Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour, il est midi sur les ondes de Radio Campus 106,6 MHz évidemment. Il est également midi sur DAB+ et sur campuslille.com et vous vous préparez à écouter l'émission Angle d'attaque, une émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avec, pour vous servir aujourd'hui, j'avais noté un trio, mais on a bonne surprise d'avoir arrivé notre camarade Morgane. Donc, avec Morgane le billettiste, qui n'a pas fait de billet puisqu'il était aux Bahamas, c'est ça? J'ai bien compris? Oui, il était aux Bahamas. Florent, donc le docteur en informatique, le maître des horloges du choix musical et pas de calendrier militant, si j'ai bien compris. Didier le nouvelliste et Christian du micro. C'était le même trio, donc Florent, Didier et moi-même, et qui l'année passée, au mois d'août également, vous avez ravi avec l'histoire sociale du rock, avec pas moins de 10 titres à l'antenne. Une émission sans invité, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais ce ne sera pas non plus la même chanson ce midi, puisque nous avons choisi de parler politique et des événements qui, depuis, disons, le dramatique bon score du Rassemblement national aux élections européennes jusqu'à aujourd'hui. Et pour vous mettre dans l'ambiance, Didier, qui a le sens du tragique, et quand il le veut, bien sûr, a proposé le titre suivant pour cette émission du 31 août, « Un été meurtrier pour la démocratie ». Et c'est lui, Didier, qui démarre, disons-le tout de suite, encore une fois, on n'a pas d'invité. Oui, donc, « Un été meurtrier pour la démocratie ». Bon, « Un été meurtrier », c'est le titre d'un film assez connu. Pour la démocratie, je crois que c'est quand même, ça s'impose dans la mesure où on assiste à un véritable déni de démocratie, mais ça, c'est pas très original de le dire. Bon, moi, je voudrais parler, sans plus attendre, de l'engagement immédiat d'Attaque, donc en faveur d'une candidature unique de la gauche et contre l'extrême droite. Donc, Attaque se prononce de façon claire pour la nomination de Lucie Castet, puisque c'est elle qui est adoptée par toutes les familles du Nouveau Front Populaire. Et Attaque, par l'intermédiaire de ces comités locaux, notamment dans la région Nord, il y a quand même les comités locaux qui se coalisent et qui s'entendent pour favoriser la candidature de Lucie Castet ou une candidature du NFP, puisque même si le vote NFP a été... est arrivé en tête, donc M. Macron ne voit pas trop d'inconvénients à nommer quelqu'un comme Bardella, même s'il était arrivé avec une majorité relative, même si, mais, du moment que le Rassemblement National est arrivé en tête, mais quand il s'agit du NFP, il est bien évident que là on touche aux grands équilibres, au marché et au capital, et ça, c'est pas possible. Donc voilà, on a lancé un appel, une lettre, bon, on n'a pas eu beaucoup de réponses, le challenge sera quand même assez difficile dans la mesure où, bon, on l'a vu pour la mobilisation sur les retraites, des milliers de personnes dans la rue n'ont pas fait bouger M. Macron d'un cil. Donc on a tout un éventail de possibilités, donc l'interpellation de politique, des rassemblements. On a aussi, donc on va organiser on va mettre au point des pétitions, des tracts, on essaiera d'être présent à la braderie. Voilà, il y a tout un dispositif qui sera mis en place pour justement lutter pour la nomination de Lucie Castet. Mais tout ça reste évidemment soumis à disons, au mouvement social, et on s'associera aussi à d'autres forces comme l'offensive, comme les mouvements sur les COP qui veulent arriver au même résultat. Entendu, Didier. Donc, je vais prendre la relève sur cette question, puisque il faut que nous parlions de la méthode Macron, de l'annonce de la dissolution au refus de nommer Lucie Castet. Didier vient d'en parler. Alors, ce que j'ai essayé de voir, parce qu'on en parle beaucoup actuellement, c'est différents textes de de la Constitution française pour essayer de comprendre à quoi joue notre président et comment il se sert de la Constitution, mal d'ailleurs, parce qu'il ne la respecte pas vraiment. Alors, je commence par l'article 6, mais qui est le plus courant, mais voilà, c'est le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel, direct, ça c'est l'article 6 en son entier, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, on en est bien là, mais Macron peut-être qu'il souhaite d'autres choses. Les modalités d'application du présent article sont fixées, toujours, comme toujours d'ailleurs, par une loi organique. Bien, là, l'autre article, c'est l'article 8, qui est évidemment essentiel dans la période actuelle. C'est l'article 8, je cite, donc « Le président de la République nomme le Premier ministre. Il mit fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Et vous verrez que ça, c'est pas neutre. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. » Donc, voilà, nous sommes dans une situation bien particulière avec cet article, puisqu'il n'y a pas d'obligation de la part du président de la République de choisir parmi les élus de la République, parmi les députés, il n'est pas d'obligation de choisir le député qui est dans le siège, qui siège dans le groupe le plus important. Alors, donc, je continue mes articles. L'article 12, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc là, ici, on est dans le cas, les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. Donc il a choisi de faire vite, ça on est bien d'accord, mais dans les 40 jours, on sera en plein mois d'août, ça n'aurait pas été vraiment possible, les élections, ça n'aurait pas été sérieux. Donc il a choisi d'aller au plus vite possible. Bien, ensuite, je suis allé vers l'article 49, alinéa 3. Là, je crois que tout le monde le connaît, celui-là. Fameux 49.3. Oui, le fameux 49.3. Mais c'est alinéa 3, parce que le 49.3 existe par ailleurs. C'est 49-3, là c'est alinéa 3, donc c'est effectivement le plus connu. L'article 68, c'est intéressant également, on reviendra à chaque fois à ces trucs-là quand même, ces différents chiffres, articles, je ne le trouve pas, voilà, alors je vous conseille le petit bouquin que j'ai sous les yeux, là, entre parenthèses, hein. Ça s'appelle « Constitution de la République française », c'est paru chez Dalloz, et ça coûte 4 euros, oui. Donc c'est celui où le président ne peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par la haute cour, etc., etc. Donc je n'insiste pas là-dessus. Évidemment, c'est un coup de Mélenchon, d'ailleurs, d'avoir proposé de demander la destitution du président dans la mesure où il ne respecte pas, non pas la Constitution, mais pas les règles habituelles de la Constitution. C'est-à-dire la nomination d'un Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Je veux dire par là, j'ai entendu une constitutionniste à la télé ou à la radio cette semaine où, avec Chirac et Mitterrand, ça n'a posé aucun problème. Ça n'a posé d'autant moins de problèmes que le président, donc Mitterrand, a invité Chirac à déjeuner, donc il devait s'entendre forcément autour d'une bouteille d'épinard et peut-être de la tête de veau d'ailleurs. Voilà. Alors, l'article, par contre, 23, là, effectivement, c'est autre chose, mais Didier va en parler avec les ministres démissionnaires. Avec les ministres démissionnaires, donc, c'est un concept relativement nouveau. Bon, ils sont démissionnaires, mais ils sont là pour gérer les affaires courantes. Ça dure depuis une cinquantaine de jours, et bon, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, hein, même si on nous dit que peut-être dimanche, Macron va s'exprimer à ce sujet. Bon, n'empêche que ces ministres démissionnaires ont quand même pas mal de poids encore et agissent. Hein. Bon, Madame Belloubet, par exemple, démissionnaire de l'Éducation nationale, est intervenue dans le cadre de la rentrée scolaire. Les ministres, Le Maire et Attal, tout aussi démissionnaires qu'ils soient-ils, envoie quand même des lettres de cadrage pour un budget qui sera discuté au Parlement début octobre. Et bon, on voit que monsieur Attal, par exemple, est à la fois chef de groupe à l'Assemblée nationale et toujours Premier ministre, fut-il encore une fois démissionnaire. On a aussi, au niveau de la politique étrangère, des choses un peu bizarres. Donc on a monsieur Macron, qui est un président, pas démissionnaire lui, mais enfin quand même largement minoritaire, qui se permet d'intervenir dans les affaires du Sahara occidental, en cajolant son ami le président du Maroc tout en s'aliénant le roi du Maroc tout en s'aliénant donc forcément l'Algérie sur le conflit du Sahara occidental et du F Polisario. Donc l'ONU lui-même avait dit comme pour la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs que c'était un territoire à décoloniser au plus vite. Contre les positions historiques du Quai d'Orsay, d'ailleurs. Hein. Absolument. On peut rajouter aussi, là, il y a eu les Jeux Olympiques. Macron qui voulait la fameuse trêve des Jeux Olympiques, qu'on oublie avec les paillettes un petit peu tout ce qui s'était passé. C'est sa ministre des Sports qui gérait ça. Enfin, s'il y a un moment dans sa carrière où un ministre des Sports peut vraiment briller, faire quelque chose, là aussi, ça a été volé. Ouais. Olympique en essayant d'enjamber sur les paralympiques. On a un couloir, on a une longue trêve complètement apolitique où l'essentiel c'est d'applaudir en criant Allez France, quoi. Oui, c'est une façon de voir les choses en effet. Le gouvernement missionnaire, je rappelle quand même un texte de loi que j'ai regardé là. Il est possible d'être à la fois ministre et député pour une durée d'un mois à compter de la date de la nomination du gouvernement. Or, ça ne marche pas puisque le gouvernement a été inchangé depuis janvier 2024. Donc là, ici, on est clairement hors régularité de la loi de la République. Démissionnaire, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que lorsqu'on est démissionnaire, eh bien... Un gouvernement démissionnaire, c'est con à dire, mais il ne peut pas démissionner. Donc, on est obligé de le garder tant qu'il n'y a pas un changement au niveau des élections à l'intérieur du Parlement. Donc, ce gouvernement démissionnaire, j'ajoute un peu à ce que vient de dire Didier, c'est que plusieurs actes importants ont été pris par ce gouvernement démissionnaire, notamment, et c'est pas que dalle, le financement de l'enseignement supérieur, le traitement automatique des données à caractère personnel, et dans les affaires courantes, le gouvernement s'apprête à signer un décret sur le financement des EHPAD, qui a fait l'objet d'une question prioritaire du gouvernement, par ELV, par les écolos. Donc tout ça, on est tout à fait dans l'irrégularité depuis le début. Alors, on ajoute une louche, je ne sais pas si on en parle, Didier, lors de l'élection de Braun-Pivet. La présidence de l'Assemblée nationale, oui. Ouais. Donc là aussi, ce sont des ministres démissionnaires qui ont fait la décision quand même, qui ont permis à Madame Braun-Pivet donc, de battre le monsieur André Chassaigne, qui était donc le candidat du NFP. Donc là aussi, les constitutionnalistes distingués pourront... s'exprimer, mais enfin, ça paraît quand même assez contestable. Oui. Alors, l'argument traditionnel de nos commentateurs de la télévision ou de la radio, c'est de dire « Mais oui, mais ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, mais il n'y a pas eu de contentieux, c'est certain. Mais tout ça ne veut pas dire que c'est légal, en tout cas. » Absolument. Donc vas-y. Sur les constitutions du NFP, donc on va parler maintenant de son programme, son projet économique et aussi ses critiques. Donc les composantes du NFP, bon, elles sont connues. Hein. Il y a le PS, il y a Génération, il y a donc les Verts, il y a donc le PCF, l'ALFI qui semble poser problème à tous nos démocrates de France et de Navarre, et aussi le NPA, en tout cas la majorité du NPA. Donc on a un programme donc, de 20 ans, de 20 actes de rupture pour répondre à l'urgence sociale, aux défis climatiques, à la réparation des services publics, et un chemin d'apaisement en France et dans le monde. Donc Christian, si tu peux développer ce point. Alors oui, je voulais dire aussi surtout que le tout début était trop vite, je dirais. Le tout début, c'est effectivement François Ruffin qui, le soir même des élections, des élections européennes, oui, appelle à un front populaire, à une gauche unie face au risque de la majorité. Et de la majorité de l'extrême droite qui était montée donc, dans les élections européennes. Donc, sur le programme de rupture, donc le... Alors, sur le programme de rupture, évidemment, ce qui compte beaucoup, c'est le fameux SMIC à 1600 euros. Qui est une aberration pour les milieux patronaux. Et là, j'avais quelque chose à ajouter. Alors, notamment sur ce point-là, il faut savoir que les cotisations sociales employeurs sont passées de 19,4% de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières en 1983, et seulement 14,2% en 2022, donc moins 5,2 points sur une dizaine d'années. Quand la rémunération des salariés passait, elle, dans la valeur ajoutée brute, de 73% à 66,4% aux mêmes dates, donc une baisse de 7,7 points. Donc cela signifie que les salaires bruts ont perdu, de leur côté, 2,5 points sur la même période. Entre janvier 2014 et janvier 2024, la France est le pays où la hausse des salaires minimum a été la plus faible de tous les pays européens. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le coût de la main-d'œuvre pour un salarié, au salaire minimum, j'entends évidemment, est supérieur de plus de 20% au coût français. Et cet écart est d'environ 30% avec la Belgique, l'Irlande ou l'Allemagne. Et je crois que c'est encore bien plus important, je crois qu'on est au-delà de 50% avec l'Espagne. Donc, premier constat, si vous voulez, c'est que notre augmentation de 14 quelque chose pour cent du SMIC est que dalle. Et a fortiori, il faut compter là-dedans que lorsque cette proposition a été faite, il y a déjà eu un peu d'inflation. Donc, 1600 euros, c'est tout juste. Quoi. Hein? Et je voulais dire également que une étude était tout à fait intéressante, qui était celle d'un certain Pierre Concialdi, qui travaille à un institut de recherche en économie et en sociologie, dont l'étude montre que les effets d'une hausse des salaires du salaire minimum sur les coûts de main-d'œuvre des entreprises n'est pas si dramatique que ça. Au contraire, cette analyse montre qu'une augmentation du SMIC de 15% se traduit par une hausse des salaires bruts, mais s'accompagne simultanément d'une baisse des cotisations patronales de sécurité sociale pour une majorité de salariés. Il faut savoir que dans son terrible radical projet de le Front populaire, on ne touche pas pour l'instant à la décision de Fillon de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales de 1 SMIC jusqu'à 1,6 SMIC. Ce qui fait qu'on récupère un peu de l'augmentation, les patrons récupèrent un peu de l'augmentation du SMIC à 1600 euros, ils récupèrent un peu sur la cotisation. Voilà, ce deuxième effet l'emporte sur le premier, dit Pierre Concialdi, si bien que l'on observe d'un point de vue macroéconomique, et j'insiste là-dessus, c'est bien un point de vue macroéconomique, à une baisse moyenne du coût de la main-d'œuvre. Une baisse du coût moyen de la main-d'œuvre. Ce résultat qui peut paraître paradoxal tient à la spécificité du barème des cotisations patronales et se vérifie même si l'on tient compte des effets d'entraînement à moyen terme d'une hausse des coûts sur l'échelle des salaires. Parce que, évidemment, ce que ne compte pas le gouvernement, et particulièrement le patron du MEDEF, dont j'ai oublié le nom tout de suite. Patrick Martin. Patrick Martin, merci Didier. Ces gens-là ne comptent pas sur le long terme. Oui, Didier. Et on peut avoir, puisque tu parles des salaires et de la situation économique, le patronat et la droite crient à irresponsabilité, sauf que nous, tout ça a été chiffré quand même. Il y a notamment un économiste qui est aussi un porte-parole d'ATA qui s'appelle Vincent de Rosé. Absolument. Qui a quand même prévu toute la. Bon, le taxe, rétablir l'ISF, évidemment, taxer le capital, l'abandon des exonérations fiscales. Tout ça, ça pèse quand même dans un budget. Il y a quand même des économistes comme Thomas Piketty ou Julia Cagé, économistes un peu plus sérieux, avec Concialdi et d'autres, qui ont quand même été à la manœuvre sur ce programme. Donc la grande différence avec la droite, c'est que la droite, c'est pas d'impôt nouveau, surtout pas impôt quel qu'il soit, et y compris les impôts des riches. Alors que pour la gauche, c'est la réhabiliter l'impôt dans le sens de plus d'égalité et dans un sens citoyen. Oui, et puis ça me permet, ton intervention me permet de revenir un peu sur une chose que j'ai récupérée là, dans mes notes, c'est que le fameux Pierre Concialdi, qui rassure tout le monde, sauf la droite, disait dans un article de 2023 de mémoire, pour obtenir un salaire décent, dont on a pu parler ici avec Thomas Coutreau, pour obtenir un salaire décent, il faut que, en 2023 donc, il faut qu'il le soit à la hauteur de 1634 euros et de 3774 euros pour un couple avec deux enfants. Donc, le nouveau Front populaire est en dessous de cette remarque qu'a fait Pierre Concialdi il y a déjà un an. Et donc, on peut calculer, en plus, on peut rajouter quelque chose de plus avec l'inflation. Voilà, donc, des simulations ont été effectuées sur quelques cas types de micro-entreprises, puisque, évidemment, le patron, c'est quand même assez extraordinaire, le patron qui réunit son patronat à Longchamp, voilà, c'était pas au hasard. La troisième course. Non, mais c'est hallucinant, quoi. C'est une distinction de classe très nette, quoi. Enfin, bon. Il disait effectivement que c'était pas possible, et il s'appuyait sur le fait qu'il s'inquiétait, lui, des petites et moyennes entreprises, ce qui est un gag, quoi, compte tenu que c'est quand même un des défenseurs du CAC 40. Tu voulais ajouter quelque chose, non ? Je voulais ajouter, non, là, dans la suite, sur le choix du candidat ou de la candidate au poste de Premier ministre, donc on a eu la proposition du gars de Bello qui était formulée par les communistes, bon, ça a été refusé par le PS. Il y a eu celle de Laurence Toubiana, donc qui a été, enfin, proposée par le PS, qui a été refusée, elle, par la France Insoumise. Et on est arrivé à un consensus avec donc Madame Lucie Castet, qui était directrice des finances de la mairie de Paris, donc quelque chose, un poste quand même assez important, et qui était entre autres la fondatrice et présidente, je crois, de l'association de nos services publics. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement préoccupé par la désertification des territoires, par tout ce qui concerne justement la citoyenneté et les services publics et les services sociaux. L'économiste Thomas Porcher trouve que là-dessus, le choix de Lucie Castet est un très bon choix, parce que c'est justement en disant que le fait de remonter des services publics dans les endroits où il y a de la désertification, des déserts médicaux, etc., c'est une bonne façon de lutter contre la fièvre du Rassemblement National, puisque ça va redonner un patrimoine, ça va redonner de l'espoir de la gauche aux services publics, un certain patrimoine aux gens, là où fondamentalement, là où lui, son analyse sur pourquoi le Front National marche bien dans ces territoires, c'est que quand on retire un peu tout aux gens, un peu leur patrimoine de services publics et autres, ce qu'il leur reste, c'est des problématiques identitaires à la con, j'ai envie de dire, et voilà. Mmh. Oui, effectivement, c'est un problème que tu soulevais très justement, Morgan, puisque mais c'est effectivement pris en compte. Si vous voulez, c'est la question qui se pose aujourd'hui pour Lucie Casté, c'est vraiment de faire adopter le programme de la NFP, du NFP, parce qu'il y a une urgence sociale, il y a le défi climatique, il y a la réparation des services publics, il y a un chemin, il s'agit d'apaiser la France en ce moment et d'apaiser la France dans le monde. C'est pas avec des histoires comme celle que vient de dire Didier sur le Maroc, reconnaître au Maroc un droit de colonisation, en plus c'est quand même énorme aujourd'hui, sans compter que nos populations maghrébines du nord, algériennes, et doivent l'avoir particulièrement de travers, et ça, ça risque de jouer aussi localement dans cette décision complètement inique du président, qui est de toute façon contraire à toute règle internationale. Et on ne peut pas prendre une décision par lettre à un autre chef d'État sans passer une décision comme celle-là, sans passer par les Nations Unies. C'est une exaction de plus de Jupiter. Et c'est contraire aux positions du Quai d'Orsay depuis un certain temps. Alors bon, effectivement, le Quai d'Orsay qui est critiquable, mais ça reste des professionnels de la diplomatie, j'ai envie de dire. Et là, ils partent complètement à côté de la plaque, quoi. Donc la pauvre Lucie Casté a fait la tournée, a fait son tour de France. Elle est même passée à Lille, c'était en juillet. Macron ne veut pas d'elle parce que son argumentation officielle, c'est qu'elle réunirait automatiquement un vote de 350 députés contre elle, hein, 350 députés, y compris ceux du Rassemblement national. Hein, donc, tu comptes bien. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du déni de démocratie, donc on l'a dit, on l'a suffisamment dit. Et bon, maintenant, dans les couloirs, dans les allées du pouvoir, on parle de plus en plus de la possibilité de nommer quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, qui est quelqu'un d'extrêmement attirant, évidemment. Et bon, lui aurait, en tout cas, l'aval d'une certaine bande de la droite du PS et pourrait former un gouvernement de coalition. C'est ce qui se dit, en tout cas. On y reviendra après la pause. Je vais simplement signaler aussi que je pensais que tu allais le faire, Didier, c'est que ça a été, bon, tu l'as dit d'ailleurs, ça n'a pas été facile le choix d'un candidat unique pour le NFP, mais aussi il y a eu cette intervention de Ruffin complètement à côté de la plaque, où à la télévision, c'est visible sur YouTube, il arrache une carte d'électrice devant lui, disant que qu'est-ce que c'est, ils ne se décident pas, qu'est-ce qu'ils foutent, ils sont en train de je ne sais pas quoi faire, mais c'est pas bien pour la démocratie. C'était complètement à contre-temps, c'est une électrice qui lui avait envoyé sa carte d'électrice en miettes, en fait, ce qu'elle dit. Selon lui, elle était ulcérée de voir qu'il n'y avait pas de décision. De voir qu'il n'y avait pas de décision, c'est assez étonnant. Oui, c'était aussi la teneur d'un éditorial de Politiche qui disait que finalement, est-ce que la gauche veut vraiment gouverner? Ça me pose aussi quelques ça problèmes. Ça n'aide pas non plus, quoi. C'est pas terrible non plus. En tout cas, Attaque reste dans ses bottes. Et Didier, tu l'as déjà dit, je crois, en introduction, réclame Lucie Casté à Matignon avec force et avec une pétition, il me semble bien. Une pétition, oui. Enfin, il y aura un tract, il y aura une pétition, il y aura tout le matériel militant possible. Sachant que c'est pas non plus Attaque à lui tout seul qui va bouleverser la situation et qu'il faudra que le mouvement social se réveille parce qu'il est pas endormi, mais enfin, disons agisse d'une façon assez conséquente. Non, Attaque n'était pas tout seul non plus pour voter contre le traité constitutionnel en 2005, mais on a quand même emporté pas mal de gens derrière. On fait une petite pause, Florent, s'il te plaît. des mots d'amour, des mots fragiles, démocratie. Tu portes sur tout ce qui t'entoure un beau regard, démocratie. Oui, tu portes un bien joli nom, et non, tu ne te portes pas bien. Des mots en l'air, démolisseurs, démoralise, démocratie. Un démon dément te démange, il profite de nos démissions. Kalachnikov et corruption, rouleau compresse tes fondations. Sur la façade de la mairie, il y a pourtant des mots décrits, des mots qui ne seraient que façade, effacés des pièces de monnaie. J'entends des mots démotivés, des lecteurs démobilisés, des mots qui tombent comme des couperets, disant que tu te démoderais. J'entends des mots d'ici, technocratie, médiocratie, autocratie, voyoucratie, je ne t'entends plus, démocratie. Il est temps que tu refleurisses, porte à nos portes tes beaux fruits, tant que reviennent les beaux jours, des mots d'amour, démocratie. Tu portes sur tout ce qui t'entoure un beau regard, démocratie. Tu portes en toi des mots d'amour, des mots d'enfant, démocratie. Pam pa pa da da da da da pam pa da da da pam pa da da da da. Tu portes sur tout ce qui t'entoure un beau regard, démocratie. Fra pa pa da da da da da pam pa da da da pam pa da da da da. Tu portes en toi des mots d'amour, des mots fragiles, démocratie. Et donc, c'était Lomer Aubry, Démocratie. Vous êtes bien sur Radio Campus, 106.6 FM, campuslille.com et DAB+, et c'est Angle d'attaque. Et on continue notre discussion. Autour de la politique. Merci, Florent. Voilà, donc on est dans cette situation que Didier a un peu abordée, de gouvernement difficile à mettre en place. Alors, une des premières choses qu'il faut dire, c'est que le vote pour la présidence de l'Assemblée nationale est une chose, la suite en est une autre. La suite, c'est par exemple, c'est sensible actuellement, évidemment, c'est le budget 2025 qui doit être voté assez vite. Je trouve assez curieux, perso, que personne ne parle des semestres de la Commission européenne, puisque ce budget actuel, logiquement, a dû être présenté au printemps par le gouvernement actuel. Et donc, je voulais surtout signaler que ça ne va pas être de l'aparte, parce que les différents postes des commissions, du bureau, des questeurs et secrétaires ne sont pas du tout favorables à la majorité actuelle. Et ça pose un problème pour la présidence, parce qu'elle est minoritaire, tout simplement. Donc, voilà la situation aujourd'hui, avec cette première note discordante, dont personne ne parle d'ailleurs. La présidente n'a pas la majorité dans le bureau, n'a pas la majorité dans la commission. Je rappelle qu'on a un socialiste dans des commissions, le rapporteur du budget de l'État, c'est quelqu'un de Lios, et pour la commission des finances, c'est bien entendu, là au moins, c'est le seul truc qui est respecté, c'est LFI, le groupe le plus important de l'opposition qui a la présidence traditionnellement de la commission des finances. Voilà. Donc, malgré ça, Didier va nous en parler, on spécule. Parce qu'on s'étonne, comment se fait-il qu'à l'étranger, on peut faire des coalitions, comment se fait-il que, voilà, etc. Ça existe en Belgique, ça existe, je ne sais plus, en Angleterre et notamment en Allemagne. Oui, ça c'est toujours la grande la grande question qui sont posées par les politologues professionnels, genre Madame Saint-Cyr et compagnie. Donc, pourquoi on ne fait pas comme à l'étranger, les coalitions multicolores, les coalitions arc-en-ciel, donc les... avec le vert des écologistes, avec le jaune des démocrates chrétiens, le rose des sociaux-démocrates, le bleu des libéraux. Bon, en écartant, en s'efforçant d'écarter l'extrême droite, enfin, ce qui devient de moins en moins évident quand on voit ce qui va se passer peut-être aux élections dans deux landes de l'ex-RDA. Donc en France, on l'a déjà dit lors d'une émission qui tournait autour de ça, c'est pas possible parce que bon, la Ve République et sa constitution sont très fermes sur le fait que ça doit être une majorité avec si possible un parti qui ne remet pas en question ses engagements, donc un parti Godillot, hein, c'était un peu ce qui est le terme qui prévalait sous De Gaulle. Et donc, hors des majorités, point de salut. Donc, la constitution de coalition est sinon impossible, en tout cas extrêmement difficile. Avec, bon, même si le cordon sanitaire avec le Rassemblement national et même si les digues ont sauté depuis déjà pas mal de temps, on va essayer probablement de créer une coalition avec. La droite du PS avec l'extrême centre de Macron, avec la droite républicaine si c'est possible. Mais bon, tout ça ferait de toute façon pas une majorité et c'est ça le gros problème de l'heure. Ouais, d'un point de vue arithmétique, de toute façon, c'est clair et net. Hein. Si Macron écarte complètement l'extrême droite, bah, pour avoir une majorité absolue, il lui faut En fait, avec la droite tout seul, ça marche pas. La seule alliance qui marcherait, ce serait avec le NFP, avec ou sans les Insoumis, en fait. Mais en fait, bon voilà, clairement, il est visiblement fâché avec les maths aussi. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il y a le point essentiel, c'est ce système électoral qui n'est pas proportionnel. Encore qu'il l'ait été un peu avec ces élections-ci, mais le principe le principe que dit Didier de la majorité parlementaire, c'est de susciter au deuxième tour des coalitions. Dès l'instant où la coalition fonctionne, bon, il n'y a rien à dire, mais si la coalition ne fonctionne pas au gouvernement, si l'un réfute ses engagements, ben, il est certain qu'aux élections suivantes, il se ramasse. C'est un peu le principe de la Ve République. On ne peut pas couper les coalitions. Et donc, ici, le NFP est déjà une coalition en soi. Et donc, toute séparation du coalition, si, parce que ça a été hypothèse, c'était une hypothèse possible, que le Parti Socialiste quitte le NFP pour s'entendre avec une partie, comme tu dis, Morgane, de la droite plutôt démocrate. Enfin bon, je ne crois plus à la droite démocrate perso, mais donc c'est se ruiner l'avenir parce que c'est retombé sur les cases neuves et la période de François Hollande. Et là encore, hein, de toute façon, même une alliance Macron plus la droite républicaine plus. Enfin, même si on prend l'intégralité du PS, ça ne fait pas une majorité, en fait. Hein. Ça ne fait pas 287... Non, c'est une majorité introuvable. C'est pour ça qu'on parle de retour à la 4e République, comme si c'était vraiment l'épouvantail absolu. Quoi. Oui, mais... ça aussi, oui. Et bon, il y a aussi le fait que Jean-Luc Mélenchon, donc tellement décrié, il y a des moments où on se demande pourquoi, mais enfin bref. Donc Mélenchon avait écrit une tribune dans la tribune Dimanche, justement, où il disait que si la LFI c'était le problème, eh ben, il voulait bien un soutien sans participation et donc laisser les autres forces de la NFP gouverner. Bon, ce qui a été, il s'est fait claquer le beignet, comme on dit vulgairement, parce que en fait c'est pas LFI qui fait problème, c'est bien la NFP et c'est là qu'on pointe un déni de démocratie. Ça veut dire qu'en dehors du respect des grands équilibres des marchés et du capital, il n'y a pas de salut et il n'y a pas de possibilité de modifier, si peu que ce soit, les choses, en matière économique en tout cas. Oui, c'est exactement le problème que tu poses. Hein. La situation aujourd'hui, c'est bien le refus du NFP et de son programme, qui est quand même le dire, c'est quand même un programme particulièrement social-démocrate, on va dire, pour faire simple. Hein. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de nationalisation, il n'y a pas de nouvelle nationalisation. On est vraiment dans quelque chose qui est effectivement un tantinet radical, et on sait qu'en toile de fond, il y a aussi le programme L'Avenir en commun, on est d'accord. Mmh. Mais ce n'est pas ce programme-là qui est prévu pour une année, qui va faire la révolution. Et pourtant, on a entendu parler de guerre civile, il me semble bien, dans la presse. C'est peut-être Macron qui a prononcé ce mot-là, d'ailleurs. Voilà. Donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les Bayrou, les Édouard Philippe, les Wauquiez, les Attal, disent de toute façon... On mettra une motion de censure si ce gouvernement est installé, si on a un Premier ministre, si Lucie Castet est Premier ministre. Ouais. C'est un sens de démocratie assez particulier, on va dire. Alors qu'un certain nombre d'entre eux ont été aidés pour avoir pour se faire élire député par les voix de gauche du Front Populaire, quoi. Mmh. Donc, Absolument. Oui, il faudra quand même ça. Oui. Pas l'oublier, Darmanin l'a oublié là un peu. Oui. Le NFP qui s'est largement désisté au profit de la droite, ce qui n'a pas toujours été le cas en sens inverse, d'ailleurs. Ce n'était pas le cas en sens inverse, mais bon. Oui. Le Front Républicain a quand même fonctionné. Ne boudons pas notre plaisir sur cette question-là. Oui. Mais l'appel à la motion de censure, avant d'avoir eu un gouvernement installé, c'est quand même assez étonnant de la part des gens qui se disent démocrates et républicains qui est celui la position de républicains de ces personnes, Wauquiez, Philippe, etc. Donc, pour l'instant, nous allons avoir de nouvelles consultations. Pendant combien de temps, je ne sais pas combien ça va durer. La moindre des hypothèses, c'est ce que nous pouvons dire, c'est qu'on est parti pour une droite de classe, avec un gouvernement de classe. Une droite de combat, oui. Une droite complètement de combat. Hein, il faut trouver une formule politique qui ne remette pas en cause les politiques économiques menées à la demande de la satisfaction du capital. La formation du gouvernement est donc soumise à d'autres forces que celles de la logique majoritaire ou constitutionnelle, évidemment. Mmh. Elle est soumise au cadre rigide du gouvernement du capital. Voilà. Et de fait, j'ai encore oublié le nom de ce président de MEDEF, là. Patrick Martin. Patrick Martin, merci. Ça doit encombrer mon esprit. Bon, lui-même a repris exactement les mêmes mots de nos élus, de nos députés, pardon, de nos ministres et de notre président de la République. Il dit que de toute façon, il n'y a pas eu de gagnant au cours des élections. Voilà. Donc. Et puis, sans reconnaître que, de toute façon, dans le NFP, l'entreprise est quand même au cœur de la programmation du nouveau Front Populaire, et notamment avec l'aspect, évidemment, augmentation des salaires, mais aussi écologique, bien sûr. Patrick Martin, qui, entre parenthèses, était arrivé discrètement à la présidence du MEDEF, donc après Ruud Bézieux. Donc, on croyait que il allait gérer un peu les affaires courantes. Ça se fait beaucoup en ce moment. Sauf que Patrick Martin a le profil, finalement, d'un chef du patronat de combat, un peu à la manière de Seyer dans le temps. Hein. Et c'est lui qui, en tout cas, tresse des couronnes à M. le maire pour... en disant que ça a été pour le patronat et pour le capital le ministère de l'économie de Monsieur Le Maire a été quelque chose de formidable. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Oui, oui. Et le félicite-t-il pour son œuvre littéraire ? Ah, ça, je ne sais pas. On ne sait pas. Pour quelqu'un qui a dilaté la dette comme jamais. Hein. Dilaté. C'est le mot. Bon. Dernière partie. On fait quoi à Attaque, Didier ? Ma dernière partie, peut-être la plus. En même temps, la plus intéressante et la plus complexe, parce qu'on fait quoi que faire, comme disait le vieux Lénine. Donc, Vladimir Ilitch Ulyanov. Donc, le rôle d'Attaque a été quand même déterminant, on l'a dit, dans l'élaboration du programme, hein, parce que, bon, c'est quand même. Tout le volet économique, on dit pas que c'est Attaque qui a tenu le stylo, hein, mais ça a quand même été largement inspiré par le combat que mène Attaque depuis très longtemps contre les paradis fiscaux, pour une fiscalité. Entre parenthèses, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'évasion fiscale, toute une histoire, donc rédigé essentiellement par Drevet, mais aussi des économistes d'Attaque, avec des dessins d'une dessinatrice qui s'appelle Vap. Donc, que faire au niveau Attaque ? Bon, on a parlé de l'initiative des attaques régionaux, qui a été justement d'envoyer une lettre à nos partenaires associatifs, syndicaux, sociétés civiles, pour leur proposer des initiatives. Donc, on rappelle quand même que la victoire du NFP, c'est peut-être une victoire relative, mais c'est une victoire quand même, que de toute façon, il est tradition que le président appelle une personnalité du parti arrivé en tête. Donc nous, on veut aussi le respect de la démocratie. Ça veut dire qu'on est prêt aussi à s'adresser à des maires, des politiques, y compris à droite, qui ont un sens de la République et de la démocratie. Pourquoi pas des rassemblements à la préfecture, puisque c'est quand même des lieux de pouvoir. Bon, il y a tout aussi sur. Je crois qu'il faut insister sur le Rassemblement national et son jeu, qui est de plus en plus une espèce de complicité un peu torve, un peu louche avec le pouvoir macroniste. Donc tout ça, on va le dénoncer. Et il y a aussi, c'est plus dans la série comment la gauche peut gagner la prochaine fois que ça ne répond au problème de l'heure. C'est tout un article très intéressant d'Alternative économique qui parle justement de s'appuyer sur les corps intermédiaires et de s'inspirer des soulèvements de la terre. Donc, coaliser une coalition des mouvements sociaux qui pourrait en tout cas amener ces questions-là en débat et qui pourrait faire bouger les choses. Donc cet article d'Alternative économique insiste sur tout ce que la gauche a à faire au niveau des médias, par exemple de l'énonciation des médias dominants, mais aussi du travail, justement de la présence de la gauche dans l'entreprise. Il y a toute une série de mesures qui sont inspirantes pour l'avenir. Oui, en effet, je pense qu'il y a tout un travail que nous devons mener, nous, militants d'Attaque, bien sûr pas simple. On l'a déjà dit, il y a une pétition qui circule sur le site d'Attaque pour demander au président de respecter un peu les règles, quoi. C'est quand même le minimum. On arrive dans une situation vraiment tendue. On arrive vraiment dans une situation vraiment tendue actuellement politiquement. Mm-hmm. La question centrale du budget n'est évidemment pas traitée. On voit mal que, vis-à-vis de l'Europe, traiter le budget par un gouvernement démissionnaire, ça paraît quand même absurde. Voilà la situation. Mm-hmm. Et puis le budget doit être... normalement, les, entre guillemets, longs mois d'été servent aussi pour mettre un petit peu à plat tranquillement le budget, pour ensuite l'aborder à la période de la rentrée. Là, perdre du temps à ne pas nommer de Premier ministre et envoyer des lettres cadres, c'est de fait contraindre le budget, c'est aussi contraindre la politique qui sera celle de l'année 2025. Donc, quand bien même, admettons, Macron lui prenne quelque chose de nommer Lucie Castet en novembre ou autre, bah, de toute façon, la marge de manœuvre sera d'autant plus réduite sur le budget, en fait. Mmh. Entendu. Donc, l'ATTAC va faire, en tout cas, tout ce qui est possible pour, justement, faire avancer ces revendications, en se liant éventuellement avec des mouvements comme l'Offensif, enfin, d'autres mouvements qui militent pour les mêmes choses. Et on rappelle qu'il y aura le 1er octobre une grande manifestation et en tout cas le 7 septembre dans l'immédiat. Mais on va laisser la parole à Morgane qui va faire un parallèle audacieux avec les élections américaines. Oui, alors les élections américaines, donc, bon, pour rappel, donc, les États-Unis vont retourner aux urnes pour leur président là à la fin de l'année, en novembre. Donc cet été a aussi vu pas mal de rebondissements, on va dire. Donc avec le candidat républicain Donald Trump qui s'est fait tirer dessus et bon qui a été manqué. On aurait pu s'attendre à un regain de sa campagne. Au final, ça n'a pas eu plus d'incidence que ça. Les semaines qui ont suivi, Joe Biden, qui était de plus en plus mal à finalement lâcher l'investiture au profit de Kamala Harris, qui a eu, pour le coup, qui a pu avoir une dynamique assez favorable qui se mettait en place en sa faveur jusqu'à présent, qui a choisi pour colistier Tim Walz, qui est un représentant qui représente un petit peu plus qui a dans son background le fait d'avoir été coach sportif, d'avoir été dans l'armée, d'avoir mis un certain nombre de protections au niveau du Minnesota, au niveau des libertés civiques, en fait. Un spécialiste de l'agriculture, en plus. Oui, aussi, donc qui a vraiment un profil assez intéressant. Bon, les derniers rebondissements, le candidat Robert Kennedy, complètement conspirationniste, a fini par se ranger derrière Donald Trump. On verra si ça lui apporte un avantage ou pas. Donc là où on pourrait faire des parallèles entre les États-Unis et la France, ça va être sur plusieurs choses. Notamment, donc, on parle depuis 2016 du Trumpisme, donc le style Donald Trump qui peut s'identifier donc par effectivement une certaine vulgarité, une provocation dans les discours et dans les actes. Bon, on peut clairement parler de démagogie. On avait un petit peu un avant-goût en France avec Sarko, mais là, c'est de façon complètement disproportionnée. Décomplexé, disproportionné. On a aussi, la mise en place de ce que lui-même appelle une réalité alternative, de parler de fake news, donc notamment de remettre en cause purement et simplement la réalité. Au moment de son investiture en 2016, il disait qu'il n'y avait jamais eu autant de foule pour assister à son investiture. Sauf que on a bel et bien prouvé que c'était le monde n'était pas au rendez-vous, et que ce soit avec aussi bien des images, les différents clichés qu'on a pu prendre, en prenant le même angle que celui qu'il y avait à un moment de l'investiture d'Obama, mais aussi avec des choses, d'autres choses, notamment au niveau du décompte des titres de transport en commun aux alentours des lieux de rencontre. Même la foule était fake, en fait. Ouais, même la foule était fake, mais lui, il dit non. Fake crowd. Et là, cette réalité alternative, on la voit aussi en France. Certes, avec le FN qui n'a jamais caché son admiration pour Donald Trump, qui dit que c'est un modèle pour lui, etc. Mais aussi du côté de la Macronie. On a Clément Viktorovitch, qui est un expert en rhétorique, qui, sur plusieurs de ses interventions, relève que Macron et ses représentants sont complètement dans la réalité alternative. Par exemple, au moment des européennes, au moment de parler, enfin de dire que, le Parti socialiste était dirigé par les insoumis, sachant que c'était Raphaël Glucksmann que c'était vraiment deux parties de la gauche qui étaient en plus à couteau tiré à ce moment-là, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sébastien Fontenelle, journaliste apolitique qui faisait une chronique toutes les semaines sur Blast, en fait. Apolitis, pas politique. Apolitis, oui. Sur Blast, faisait le décompte de cette réalité alternative de Macron, au point où il disait lui-même qu'il avait l'impression de tourner en rond, parce que de semaine en semaine, c'était rigoureusement la même chose, en fait. Et je voudrais revenir aussi sur un dernier élément, c'est du côté de Donald Trump ce qu'il appelait le projet 2025. Donc, projet 2025, c'est ni plus ni moins qu'un agenda, une feuille de route pour le Parti républicain, pour être opérationnel dès le jour de l'investiture de leur candidat, façon Donald Trump, en fait. Sachant qu'en 2016, enfin son mandat de 2016 à 2020 a fait énormément de dégâts aux États-Unis, énormément de dégâts tout court. On pense à la sortie des accords de Paris pour l'écologie, le fait d'avoir sabordé les accords sur le nucléaire iranien, qui était une voie de normalisation ou de d'apaisement, retour au calme, d'apaisement entre les États-Unis et l'Iran. Et on pense aussi à le fait de torpiller la liberté, le droit à l'avortement dans les États-Unis, en fait. Donc ça a fait énormément de mal, mais il s'est heurté à de nombreuses fois aux institutions américaines, tout simplement parce qu'il est complètement incompétent, en fait, Donald Trump. Une émission américaine, Last Week Tonight, prenait l'image, en fait, d'un hamster dans un avion de chasse. Il dit, qu'importe à quel point il est assoiffé de sang, qu'importe à quel point il veut tout faire péter, bah, il ne sait pas sur quel bouton appuyer dans tous les boutons du cockpit, et il n'a pas la force, et son cerveau est de toute façon bien trop petit pour apprendre. Oh là. Le projet 2025, c'est de lui donner tout clé en main. Ça va être par exemple, justement, ce qui menait ces blocages, c'était des fonctionnaires les fonctionnaires aux États-Unis. Il y a des fonctionnaires qui sont liés par un poste politique et d'autres qui sont là, qui sont là pour leur expertise. C'est de dire dans le projet 2025 que de pouvoir virer ces personnes qui sont là pour leur expertise, en disant que s'ils contredisent le président, c'est pour des raisons politiques. Mmh. Par exemple, un expert sur la NASA en conquête spatiale, sur l'ingénierie, qui va dire « Attendez, là, c'est pas possible. » On va dire « Non, t'es obligé de dire que oui, parce que t'as un désaccord politique. » Et le problème de la Russie et de l'Ukraine serait réduit en une semaine, nous sommes bien d'accord. Sur un coup de téléphone. Voilà. Et là, juste sur quelques secondes, là où je me disais qu'en fait, quelque part, je me demande si les mandats de Macron, avec sa façon de piétiner la démocratie, est-ce que ce serait pas ça le projet 2025 de Marine Le Pen ? Ouais. Bon. C'était Morgane, non pas en direct des États-Unis, mais en direct de Radio Campus, 106,6. Voilà le programme annoncé. Nous vous souhaitons un bon week-end, pour ce week-end ensoleillé, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. Voilà, nous nous retrouvons en septembre et nous démarrons, comme chaque année, en octobre, la nouvelle saison. On n'a pas encore tout prévu, même pas grand-chose d'ailleurs, mais l'équipe sympathique que vous suivez tous les samedis se réunit très bientôt pour programmer l'année 2024-2025 à Radio Campus pour la 13e saison. Bon week-end à tous, prenez soin de vous, à bientôt. Una mattina mi sono alzato, bella ciao.